إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن سلامة العقيدة شرط لقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى فلا تصح الأعمال إلا بسلامة الاعتقاد ولهذا كانت هي أصل دعوة الرسل جميعا وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين لم يدع فيها إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا إلى غيرها من العبادات وإنما كان يرسخ التوحيد والمعتقد الصحيح في قلوب الناس ثم لما توطدت العقيدة في قلوبهم نزلت شرائع الإسلام العملية واحدة بعد الأخرى عباد الله إن مما يؤسف له حقا ويحزن عليه صدقا أنه قد قل اهتمام الناس في هذا الزمان بأمر العلم عموما علم الشريعة وبأمر العقيدة خصوصا ولهذا ظهرت البدع وكثرت المخالفات في العقائد والأقوال والأعمال وهذا أمر مؤذن بالخطر لأن العمل لا ينفع إذا لم يكن العقيدة صحيحة فقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولماذا يجعل هذه الأعمال هباء منثورا لأنها ليست مبنية على عقيدة صحيحة ولو كانت هذه الأعمال أمثال الجبال ومن أجل هذه الأهمية العظيمة لأمر العقيدة فإننا في هذه الخطبة سنتعرض بإذن الله لعدد من المسائل الكبرى في الاعتقاد مدعمين ما نقول بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ولكننا سنجعل الخطبة على هيئة مسائل واحدة بعد الأخرى حصرا للعلم وتسهيلا للفهم والله المستعان عليه التكلان عباد الله أولا يجب أن نعلم جميعا أن الحكمة من خلق الله لنا هي عبادته قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجل تحقيق هذه الحكمة أرسل الله في كل قوم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بعبادة ما سواه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، آخر الرسل وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا فلا يقبل أو لا يقبل الله بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام، ولا هدي نبي إلا هو صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب أن نعتقده ولا نشك فيه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وهو حديث صحيح. ثالثا، يشترط لقبول الأعمال وصحتها شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن خالف الإخلاص وقع في الشرك، ومن خالف السنة وقع في البدعة. رابعا، تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة محذرة من الشرك والبدع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المسألة الخامسة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوث الافتراق في الأمة تحذيرا منه، وذكر الوعيد الشديد في ذلك. فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que le fait d'avoir une bonne croyance, une bonne aqida, c'est une condition pour que nos œuvres soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos œuvres ne seront pas acceptées d'Allah, excepté si elles sont basées sur une croyance qui est bonne et correcte. Parce que c'est la base avec laquelle tous les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca pendant 10 ans sans appeler à rien d'autre que la aqidah, le tawhid, la ilaha illallah. Et il n'a pas appelé les gens à la salat, ni au hajj, ni à la zakat, et ni aux autres règles parmi les règles de l'adoration. Mais il s'est concentré sur une chose, c'est d'enraciner la croyance et le tawhid dans le cœur des hommes. Une fois que cette aqidah, cette croyance, cette conviction a été fermement enracinée et ancrée dans le cœur des hommes, dans le cœur des sahaba, les autres règles et les autres principes de l'islam et de la charia ont été révélés, les unes après les autres. Ce qui montre l'importance de la aqidah et le fait que c'est une priorité et que c'est le fondement et la base de l'islam. Serviteur d'Allah, qu'est-ce qui est triste aujourd'hui et qu'est-ce qui nous désole au plus haut point, c'est de voir que les musulmans donnent peu d'importance à l'apprentissage et à la science de l'islam et de la religion, et en particulier il donne peu d'importance à apprendre et à comprendre la aqidah de l'islam. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit apparaître beaucoup d'innovations, beaucoup de contradictions à l'islam et à la charia, dans les croyances, dans les pratiques, dans les paroles. Et ça, c'est une chose qui indique un danger. Parce que les œuvres ne pourront être profitables au jour de la résurrection si elles ne sont pas basées sur une croyance qui est exacte et correcte. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va regarder les œuvres des gens, et certains d'entre eux, s'ils n'avaient pas la bonne aqidah, la bonne croyance, il va rendre leurs œuvres comme de la poussière éparpillée par le vent. Et la raison pourquoi leurs œuvres sont éparpillées comme de la poussière éparpillée par le vent, c'est parce que elles n'étaient pas établies sur la bonne croyance. Ces œuvres n'étaient pas établies sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'adoration d'Allah seul et le fait de chercher l'agrément d'Allah seul. Il y avait du shirk dans leurs œuvres et dans leurs actions. Et donc c'est pour cette raison que la croyance, la aqidah, c'est la chose la plus importante dans l'islam. C'est la chose la plus importante, et dans cette khutbah on va mentionner certains points avec des preuves du Coran et de la Sunna pour expliquer et clarifier des éléments parmi les plus importants de la croyance de l'islam, pour que ce soit plus simple et plus facile à comprendre. Le premier point, serviteur d'Allah, c'est que la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour autre chose que pour qu'on l'adore. Et il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre existence sur la terre, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, beaucoup d'entre les hommes ignorent cela. Et parmi ceux qui ne l'ignorent pas, il y en a qui négligent ou bien qui se détournent. Mais le but fondamental pour lequel on a été créé, c'est pour l'adoration d'Allah et non pas pour autre chose. C'est pour servir Allah et pour l'adorer. et non pas que la vie elle-même est l'objectif et le but ultime. Et donc c'est très important de comprendre pourquoi on a été créé et que la vie du musulman doit être établi sur l'adoration. Et Allah a envoyé pour cela des messagers, pour nous faire connaître justement comment l'adorer, et pour nous faire connaître qui il est. Parce qu'on ne peut pas l'adorer si on ne le connaît pas. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si on ne connaît pas Allah. Et on ne peut pas le connaître excepté par sa révélation. Et pour connaître sa révélation, on la connaît par l'intermédiaire de ses messagers. Puis par qu'est-ce qu'il nous a laissé comme message dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, tous les messagers ont appelé à l'adoration d'Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il a envoyé à chaque peuple un messager pour leur rappeler de cela. Deuxièmement, le dernier des messagers que Allah a envoyé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y aura jamais d'autres prophètes ou messagers après lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos fils ou d'aucun d'entre vos hommes. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des messagers, le dernier des prophètes. Et donc, il n'y a pas d'autre prophète après lui, et il n'y a pas d'autre religion acceptée par Allah après l'islam. Et il n'y a pas d'autre guidance et d'autre croyance excepté la croyance qu'il a amenée. Celui qui ramène ou qui croit à un prophète autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après lui, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant, n'est pas musulman. Soit que la personne elle se déclare elle-même prophète, donc dans ce cas-là c'est clair que la personne est dans l'égarement et que c'est un mécréant, un kafir. Ou bien que quelqu'un qui se déclare prophète et toi tu crois en lui après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce cas là c'est du kufr, parce que tu as cru en quelqu'un qui s'est déclaré prophète, et donc tu as contredit un des fondements parmi les fondements de la croyance islamique. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. S'il cherche une religion autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, que nul de cette umma n'entendra parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, vu qu'il meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera du nombre des gens de l'enfer. La yasma'u bi ahadun min hadhihi l'umma yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Donc ça c'est clair. Quatrièmement, pour que nos œuvres soient acceptées, elles doivent respecter deux conditions. Elles doivent être en accord avec l'ikhlas, l'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'œuvre doit être faite purement et sincèrement pour Allah seul et pour personne d'autre. C'est-à-dire, par exemple, tu ne vas pas prier pour te faire voir par les gens, pour que les gens disent « Ah, lui, il prie bien, ou bien il donne en sadaqa, il est généreux. » Ria, l'ostentation. Parce que si tu fais une œuvre et que dans ton œuvre il y a de l'ostentation, eh bien Allah ne va pas accepter cette œuvre. Donc il faut que ton œuvre, dans l'œuvre que tu fais, il y ait al-ikhlas. Et également, il ne faut pas qu'il y ait du shirk dans ton œuvre. Dans le sens que tu ne fais pas cette œuvre-là pour te rapprocher à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais uniquement pour le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour un saint ou pour un prophète ou pour un ange ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et La deuxième condition pour que Allah accepte tes œuvres, c'est que l'adoration que tu fais, elle doit être accomplie selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Donc si tu veux accomplir une œuvre d'adoration, un acte d'adoration, comme le dhikr, ou la salat, ou le dua, ou le hajj, ou n'importe quelle autre adoration, eh bien tu dois accomplir cette adoration-là selon la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, l'œuvre en question sera rejetée par Allah, il ne va pas l'accepter. Et ça, c'est quelque chose qui est clair, sinon ton action sera une innovation. Et Allah n'accepte pas l'innovation. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion et il la fait comme si c'était quelque chose de la religion, ce sera rejeté. Et s'il invente dans la religion, c'est la même chose. Donc l'action doit être référée dans les textes. S'il n'y a pas de référence sur cette action-là dans les textes, ou sur cette croyance, ou sur cette pratique, eh bien, cette action, ou cette croyance, ou cette pratique sera rejetée. Elle ne va pas être acceptée par Allah. Même si les gens pensent que c'est quelque chose de bien, ou qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de bien. C'est comme si quelqu'un disait, par exemple, on va faire salat al-asr, on va prier 10 rak'at au lieu de 4. Et toi, tu lui dis, non, mais on ne peut pas faire ça. Parce que c'est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui te dit, oui, mais c'est quelque chose de bien, c'est pas mauvais. Hein, on veut juste... Et aller faire plus d'adoration. C'est bien de vouloir faire plus d'adoration, mais il faut que ce soit dans les limites de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dit, oui, mais dans la salat, on veut faire, au lieu de faire un seul recours, on veut faire 4 recours. Ou bien on veut faire 8 soujouds, au lieu de faire 2. Et toi, tu lui dis, non, ça c'est bid'ah, c'est des innovations. Il te dit, oui, mais c'est pas mal, c'est des bonnes innovations. Tu lui dis, non, c'est pas des bonnes innovations, parce que c'est en contradiction avec la sunna. Si c'était une bonne innovation, si c'était quelque chose de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit de le faire. Il nous aurait permis de le faire. Mais puisqu'il ne nous a pas enseigné ça, il ne l'a pas légiféré dans la sunna, ça veut dire que c'est quelque chose d'innové, et donc ça ne fait pas partie de la religion, et donc on n'a pas le droit de le faire. Et ça s'applique à toute chose que quelqu'un pourrait inventer. Et cette innovation ou cette invention, il faut bien comprendre que des fois, il y a des innovations qui ont été introduites dans la Ummah depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Les gens l'ont fait depuis tellement longtemps qu'ils s'imaginent aujourd'hui que ces choses-là font partie de l'islam. Alors qu'en réalité, elles ont été inventées il y a 500 ans. Avant 500 ans, elles n'existaient pas dans l'islam. Et donc, ce sont des innovations, même si les gens la pratiquent et même s'ils pensent que ça fait partie de l'islam. Ce sont des bid'ahs, ce sont des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre les innovations. Et ça, c'est clair dans le Coran et c'est clair dans la sunna. Et cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre la division dans la Ummah. Et il a mentionné que cette Ummah allait se diviser en 73 sectes et qu'elles seraient toutes dans le feu de l'enfer excepté une. Maintenant, les gens entendent souvent ce hadith-là, et il y en a beaucoup de gens parmi les gens de l'égarement, ils n'aiment pas ce hadith. Pourtant, c'est un hadith authentique et c'est un hadith important qui mentionne et qui clarifie la réalité de ce qui se produit dans la Umma aujourd'hui, puisque personne ne peut nier qu'il y a des divisions. Sauf qu'il faut bien comprendre ce hadith selon la compréhension de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la mention d'une menace dans un hadith, si par exemple il dit telle personne, si quelqu'un fait telle action ou telle chose, il va être dans l'enfer. Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? Est-ce que ça veut dire que la personne qui fait cet acte est automatiquement en dehors de l'islam? Non. Parce que selon les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il n'y a pas de péché que quelqu'un peut faire qui va te faire sortir de l'islam, excepté si c'est une forme de shirk majeur ou de kufr majeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc les gens qui sont dans les divisions sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la division par laquelle leur secte s'est produite, leur séparation s'est produite, est une forme de shirk majeur ou de kufr majeur, dans ce cas-là, oui, ils seront bien entendu dans l'enfer pour l'éternité, parce qu'ils ont associé avec Allah, ils ont fait du shirk ou du kufr. Sauf que si, par exemple, leur innovation n'est pas une innovation qui a atteint le degré du shirk, ou qui, une innovation qui a atteint le degré du kufr, dans ce cas-là, ils sont sous la menace d'Allah, mais ils ne vont pas être éternellement en enfer. C'est-à-dire que même si Allah décide de les punir par sa justice et de les faire rentrer en enfer, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. Ils vont sortir de l'enfer éventuellement. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien de temps ils vont demeurer en enfer. Les seuls qui vont demeurer éternellement en enfer sont ceux qui meurent sur le kufr majeur ou le shirk majeur. Les autres parmi les musulmans qui ont commis des grands péchés ou des innovations qui ne sont pas du kufr ou du shirk, eux vont, s'ils rentrent en enfer, vont éventuellement en sortir. Ou peut-être que Allah va leur faire miséricorde et ne pas les faire rentrer du tout en enfer et leur pardonner leurs péchés et les faire rentrer directement au paradis. Ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc si on dit qu'il y aura 73 sectes et qu'il y en a 72 en enfer, ça ne veut pas dire que les 72 sectes en question sont en dehors de l'islam et qu'elles seront en enfer pour l'éternité, mais ça veut dire qu'elles sont sous la menace de l'enfer. Et que si elles entrent en enfer, elles ne vont pas nécessairement y demeurer éternellement, sauf si elles ont commis un acte de kufr majeur ou de shirk majeur, comme le fait d'adorer des morts ou de prier à des saints, ou de faire des actes d'adoration, d'invoquer des créatures au lieu d'invoquer le Créateur, ou bien de croire qu'un homme a des pouvoirs divins ou des choses de ce genre, ou de croire à un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses de ce genre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله المسألة السادسة أنه يخرج في آخر الزمان أقوام ينتسبون إلى الإسلام ويدعون في الظاهر إلى الله وهم أهل ضلال وانحراف وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم لئلا يغتر الناس بهم فعن أبي سعيد عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرنا إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه البخاري وسابعا إننا مأمورون باتباع هدي السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فلا بد لنا من تعلم العلم لكي نسلك سبيلهم وطريقهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يشف الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. والمسألة الثامنة: أن الدين يعود في آخر الزمان كما بدأ في أوله، فيكون المتمسك بالسنة غريبا في الناس، ولكن من ثبت فاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وأخيرا النقطة التاسعة: إن النجاة بإذن الله للمسلم في عصر الفتن أن يلزم أهل العلم الراسخين ويصدر عن آرائهم، وإن من طرق أهل الضلال والبدع لإبعاد الناس عن الدين القويم أنهم ينتقصون العلماء ليزهد الناس فيهم ويتفردوا بالناس فيضلوهم. وإن منزلة العلماء عظيمة في الشرع، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم بإذن الله نجاة للأمة وعصمة لدينهم. وموت العلماء ذهاب للعلم وإذان بالخطر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه أيها المسلمون جملة من المسائل الهامة في العقيدة وغيرها بنصوص الوحيين، عسى الله أن ينفع بها قائلها وسامعها. Et pour terminer, mes chers frères en Allah, sachez que vers la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti qu'il y aurait des gens qui vont appeler à autre que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a mis en garde contre cela dans un hadith. Également, sachez que, comme septième point, nous sommes ordonnés de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Également, parmi les points mentionnés, c'est que vers la fin des temps, la religion va redevenir étrange, comme elle a débuté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion a débuté de manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle a débuté. Alors donnez la bonne nouvelle aux étrangers, la bonne nouvelle du paradis, c'est-à-dire vers la fin des temps, il y aura des gens qui vont s'accrocher à la sunna et les gens vont les regarder comme si c'est des gens étranges. Et c'est ce que signifie le hadith. Et deuxièmement, et c'est le dernier point, qu'à l'époque des tribulations et des problèmes, comme les problèmes dans lesquels nous sommes à notre époque, dans la fin des temps aussi, les musulmans doivent retourner aux hommes de science parmi les ulama de l'islam. Car c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran comme étant ceux qui, et en ils sont ceux qui craignent Allah et que Allah élève en degré à cause de leur science et de leur piété. Et que vers la fin des temps, beaucoup de savants vont mourir et à cause de ça, des gens vont prendre des ignorants comme référence et ils vont leur demander des questions dans la religion et ils vont répondre sans connaissance

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر